Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. La France a désormais battu au Mali le record de longévité de l'armée rouge en Afghanistan. Sa présence militaire n'a rien résolu et est de plus en plus décriée comme une force d'occupation. Non, ça n'est pas encore exactement cela. C'est en revanche ce que redoute Marc-Antoine Pérouse de Monclos et c'est le Super Fail de la semaine. Je suis convaincu que ce dont nous parlons là est absolument essentiel pour l'avenir de l'Afrique et par voie de conséquence pour notre avenir collectivement. Que si nous ne le réglons pas, c'est des résurgences de groupes terroristes dont nous savons aussi les contacts avec la zone irako-syrienne, puisqu'ils sont dans une internationale de la terreur. Et donc, continuer à avoir nos moyens, aider les États africains à gagner cette guerre contre le terrorisme est indispensable. Et donc, nous allons poursuivre ce travail de conviction. D'ores et déjà, comme vous l'avez vu, nous sommes en train de nous structurer pour renforcer notre effort, et en tout cas, dans l'épicentre de la menace terroriste, agir plus efficacement et plus fortement. Mais je pense que l'engagement américain est important sur le plan du renseignement, sur le plan des moyens qui sont déployés et compte tenu de la très bonne coopération que nous avons collectivement avec eux, donc je souhaite qu'ils puissent rester. La voix d'Emmanuel Macron le 13 janvier dernier, c'était au G5 Sahel. Bonjour Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Vous publiez « Une guerre perdue, la France au Sahel ». Vous n'aviez pas l'air d'approuver complètement les propos d'Emmanuel Macron. Mais il faut d'abord que vous nous expliquiez comment on en est arrivé là, selon vous, à un Super Fail au Sahel. Tout a débuté en janvier 2013 avec l'opération Serval. Quel était le but de cette opération ? Alors l'opération Serval, qui un an après, en 2014, est devenue l'opération Barkhane, qui aujourd'hui couvre 5 pays francophones du Sahel, tous liés par des accords de défense avec Paris. En fait, au départ, elle avait pour objectif, elle avait deux gros objectifs sur le Mali, puisque le Nord avait fait sécession, avait proclamé son indépendance. Donc il y avait déjà l'idée de restaurer la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, il faut bien admettre que ce n'est pas le cas, le pays est toujours divisé en deux et c'est des groupes rebelles qui en fait taxent les populations dans le nord, les services publics de base et l'État sont extrêmement peu présents dans le nord du pays. Et puis l'autre objectif, c'est effectivement de contenir, voire d'éliminer carrément la menace dite djihadiste, hein, terroriste. C'est ainsi comme ça que le gouvernement français la désigne. Disons qu'à l'époque, l'armée française a donné un coup de pied dans la fourmilière, que du coup les djihadistes se sont éparpillés dans la région et aujourd'hui ils réapparaissent dans des zones où ils n'étaient pas auparavant, plus au sud en l'occurrence, au Burkina Faso, dans le centre du Mali, alors qu'avant ils étaient plutôt en fait dans le nord. Donc sur ces deux objectifs, on peut bien parler d'un échec, et moi j'avance même que cet échec était en réalité programmé, puisqu'on le sait bien, les interventions militaires les meilleures sont les plus courtes, celles-ci sans sable, sans racines, avec une mission impossible pour l'armée française, qui est en fait de se substituer à des états défaillants, et notamment à leurs armées qui sont défaillantes, et à leurs polices qui sont défaillantes, face à des groupes qui ont aussi un certain soutien social. Et pourtant, en janvier 2013, François Hollande disait vivre au Mali l'un des jours les plus importants de sa vie politique. Êtes-vous certain que les choses n'auraient pas été pires sans une intervention militaire française ? Personne ne peut évidemment dire cela. Donc il y a une contestation aujourd'hui pour dire si on n'était pas intervenu, ça serait pire. C'est le grand argument du gouvernement, mais qui ne peut évidemment pas le prouver, puisque ni vous ni moi ne pouvons refaire l'histoire. Moi je pense que le scénario d'une transformation du Mali en État islamique à l'Afghan est un fantasme, que les groupes rebelles du Nord, avec des populations qui étaient détestées à Bamako, n'auraient pas pu s'emparer de la capitale et encore moins la contrôler. Donc on est là dans des spéculations, de la même façon qu'on entendait le discours d'Emmanuel Macron qui référait à cette espèce d'international djihadisme fantasmé, alors que les groupes en lice au Sahara, il faut le rappeler indéfiniment, n'ont jamais commis d'attentat outre-mer. C'est pas du tout l'État islamique en Irak et en Syrie. Donc on est là face à des groupes très locaux, avec un agenda local, ils se battent pas pour établir un califat mondial. Et imaginez que dans le delta intérieur du Mali ou dans les marécages du lac Tchad, on va avoir une plateforme opérationnelle pour monter des attentats en Europe ou en Amérique. C'est une vaste plaisanterie. On sait bien que l'État islamique en Irak et en Syrie va plutôt se repositionner avec des cellules clandestines en Europe. Et c'est pas depuis ces zones de l'Afrique, assez difficiles d'accès, reculées, qui vont monter leurs attentats. Donc on est dans ce récit dominant d'une guerre préventive de ce point de vue. C'est-à-dire on vous dit, ça fait 7 ans qu'on dit aux Français, si on ne fait rien, il pourrait y avoir des attaques en Europe. Bon, soit, mais dans ce cas-là, on peut aussi intervenir un peu partout dans le monde, parce qu'on ne sait jamais, un jour peut-être, ça pourrait se dégrader. Qu'est-ce qui a permis à ces djihadistes de s'implanter là-bas, Marc-Antoine Pérouse de Monclos? Est-ce que vous pouvez nous restituer le climat, le contexte politique de cette région? Alors c'est très difficile d'abord de tout résumer sur 5 pays absolument immenses. Hein. On est sur des zones qui sont bien plus vastes que l'Irak et la Syrie combinées. Donc dans le cas du nord du Mali, on peut dire que les groupes au départ algériens qui étaient venus s'y réfugier, se sont greffés sur des griefs très anciens, notamment de la part des Touaregs contre le pouvoir central à Bamako. Donc ils avaient un ennemi commun et c'est comme ça qu'ils se sont enracinés. Et puis il faut pas l'oublier, au lieu de nous raconter des grandes histoires sur un djihad global, en 2012, il y a eu un coup d'État au Mali, mené par un des militaires qui s'appelait Sanogo, qui vient d'ailleurs d'être libéré sans procès, mais enfin bon, qui avait été formé la lutte antiterroriste, qui est quand même aussi un autre paradoxe. Et donc ce Sanogo prend le pouvoir à Bamako, renverse un gouvernement élu, qui d'ailleurs n'était plus là au pouvoir que pour 2 mois, 3 mois, et finalement retire complètement l'armée du nord du Mali. Et à ce moment-là, les groupes djihadistes et séparatistes finalement s'emparent du pouvoir, s'y enracinent encore plus facilement, parce qu'il n'y a plus rien en face pour les combattre. Donc ne l'oublions pas, là aussi les dynamiques sont extrêmement locales. Cette même armée malienne qui aujourd'hui est défaillante face aux coups portés par ce qui est devenu l'État islamique au Grand Sahara. Vous dites dans Une guerre perdue, la France au Sahel aux éditions Lattès, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, vous dites que finalement la nature a horreur du vide et la politique, la géopolitique également, autrement dit que ces forces djihadistes ont prospéré sur fond d'État failli. Alors, je n'utilise pas la notion d'État failli parce qu'il y a quand même une présence certes faible de l'État, et en tout cas une présence qui ne correspond pas du tout à ce qu'on attend d'habitude d'un État, puisque justement le racket des forces de sécurité, mais là depuis des décennies, ont en fait constitué le terreau un peu idéologique de ceux qui utilisent l'islam pour justifier leur révolte armée. Hein. Ça, on le voit très bien aujourd'hui avec ce qu'on appelle la Katiba du Massina, qui est dans le centre du Mali, qui effectivement a soulevé les peuls, qui en avaient assez d'être rackettés par les gardes forestiers, par les douaniers, qui sais-je encore. Donc on voit que ces dysfonctionnements de l'État, c'est pas une totale absence, hein. Il y avait de l'État dans ces zones, mais extrêmement faible et effectivement défaillant pour ce qui est là de l'accès à des services publics de base comme l'école primaire, les dispensaires de santé. Là, effectivement, il y avait une absence réelle. Je crois qu'il y a aussi un peu d'illusion à imaginer que l'aide au développement va pouvoir pallier à cette défaillance, mais aujourd'hui, on le voit bien, c'est dans la stratégie des militaires que d'imaginer que l'Agence française de développement va finalement se substituer à des États qui fonctionnent mal. Est-ce que l'on a eu quelques facilités à désigner un ennemi, Marc-Antoine Pérouse de Monclos? Est-ce que le fait de qualifier ces gens-là de terroristes relève de l'évidence? Je ne sais pas s'il y a un label terroriste déposé, mais bref, à qui a-t-on affaire? Alors, derrière le mot terroriste ou djihadiste, il y a en fait d'infinies formes de lutte armée ou de protestations armées qui peuvent se décliner. Il faut savoir qu'il n'y a pas de convention internationale pour définir le terrorisme. Hein. Donc, un même diplomate peut vous dire, non, les groupes terroristes, c'est seulement des groupes non étatiques, mais il va parler d'états terroristes ou d'états voyous. On ne voit pas pourquoi les exactions commises par les groupes terroristes, leurs atrocités, on ne pourrait pas aussi les désigner comme terroristes face à ce que font certaines armées africaines quand ils capturent des prisonniers vivants, quand ils les torturent à mort dans leur geôle. Donc effectivement, il faut voir que là, on a un récit trop unilatéral sur ce qui se passe au Sahel. On insiste que sur les atrocités commises par les groupes djihadistes, mais si vous aimez la décapitation, vous allez adorer le démembrement des corps dans les prisons africaines. Donc il faut prendre ça en compte parce que ça nourrit en fait la protestation, si vous voulez. C'est-à-dire que du coup, vous avez des jeunes qui veulent se venger de ces exactions commises par les forces de sécurité, par les bandits en uniforme, comme on dit quelquefois. Ça légitime également le discours de ces groupes djihadistes qui sont donc qualifiés de terroristes. Mais c'est une notion que sur le plan juridique, c'est d'abord une notion politique, vous voyez, qui vise à disqualifier des contestataires, des gens qui prennent les armes. Sur le plan juridique, c'est beaucoup plus compliqué à manier comme notion. Est-ce que vous êtes en train de dire que finalement, on a fait un choix entre la peste et le choléra ? Alors si par peste ou choléra, vous vous référez en fait à une alternative qui était intervenir ou pas, on peut envisager qu'il y ait une intervention courte pour, disons, barrer la route de la capitale ou, exfiltrer les Français qui vivaient au Mali en 2013. Là, vraiment, la difficulté, c'est d'aller beaucoup plus loin et d'essayer à construire ou reconstruire des États. Maintenant, l'alternative, c'était, est-ce qu'il fallait intervenir ou pas? Maintenant, je pose la question ainsi plutôt. Est-ce que, si vous voulez, on est dans une situation de chaos assez pas très bien maîtrisé sur certaines zones du Sahel. Est-ce que ça serait pire si l'armée française n'était pas intervenue ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une vraie discussion à amorcer. En revanche, ce que je sais, c'est que maintenant, nous avons une responsabilité directe dans ce qui se passe. Et c'est ça mon souci, si vous voulez. You break it, you own it, comme on dit. Voilà, parce que c'est le discours de Cameron ou de Tony Blair sur la Libye, c'était de dire, ah bah, si on n'était pas intervenu, ça serait également le chaos. Donc là, on est intervenu au Mali, c'est toujours en partie le chaos, sauf qu'on a une responsabilité directe dans ce chaos. Si on n'était pas intervenu, on dirait qu'on a une responsabilité passive parce qu'on n'est pas intervenu. Moi, je veux bien. Mais en tout cas, on n'aurait pas une responsabilité directe. Et là, de ce point de vue, la dernière décision qui a été prise, là, en janvier, au sommet de Pau, au G5 Sahel, d'avoir un commandement conjoint avec les forces africaines locales et l'armée française pose énormément de questions sur le partage des responsabilités. Lorsque des exactions vont être commises par les armées africaines, formées et équipées par la France avec un commandement conjoint, je pense que la responsabilité sera encore plus directement partagée par l'armée française. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, j'ai une question simple à vous poser. Pourquoi est-on intervenu là-bas ? Alors, il y a beaucoup de spéculations. Alors, les Africains imaginent que la France serait intervenue pour mettre la main sur des ressources économiques insoupçonnées. Je ne le crois vraiment pas. En revanche, il y a une espèce... Alors, il y a deux choses. Il y a une espèce de péché d'orgueil post-colonial. Imaginez que l'ancienne puissance coloniale peut régler les problèmes des Africains. Et puis, d'autre part, il y a le besoin de démontrer que la France est une puissance moyenne, qu'elle justifie ainsi son siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Hein. Il n'y a que 5 pays dans le monde qui ont ce siège permanent, il faut le rappeler. Et donc, là, elle se présente la France comme étant le rempart contre la barbarie djihadiste. Et puis, c'est pas dit toujours officiellement, mais également contre un exode, la migration qui voudrait donc traverser la Méditerranée et entre guillemets, envahir l'Europe. Et ce discours se vend assez bien, en fait, à New York. S'il y a eu, en revanche, une réussite, dans ce cas-là, c'est notre diplomatie à New York qui a réussi, finalement, à embrigader les Nations Unies, puisqu'aujourd'hui, vous avez 5 000 soldats français, mais vous avez également 13 000 casques bleus des Nations Unies au Mali. Donc là, de ce point de vue, il y a eu une réussite de notre diplomatie à présenter la France comme la seule à même de pouvoir intervenir sur le terrain et de faire le job pour empêcher que cette menace djihadiste ne déborde vers l'Europe. Menace migratoire aussi, parce que c'est souvent présenté comme ça en filigrane. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, vous dites par ailleurs dans Une guerre perdue, la France au Sahel, votre livre publié aux éditions Lattès, qu'il y a eu énormément de pression sur vous, sur les chercheurs qui voudraient tenter de comprendre ce qui se passe là-bas et puis avoir un regard un peu critique sur la manière dont la France est intervenue. Alors, pression est un mot un peu fort. Moi, je vois plutôt une forme de refus d'entendre une analyse alternative sur ces questions. Donc une forme d'autisme, mais qui touche en fait, quoi qu'il en soit, des partis politiques, qui touche beaucoup de dirigeants politiques en France, hein, qu'ils soient dans l'opposition ou au pouvoir. Bah, vous expliquez par exemple qu'il y a une revue d'études africaines est d'accord pour accueillir toutes les opinions pourvu qu'elles soient favorables à l'intervention. Alors ça, c'est très particulier. C'est une revue qui s'appelle Afrique contemporaine, qui est financée par l'Agence française de développement, où effectivement il y avait un dossier consacré au Mali, qui finalement a dû être publié au Canada parce que ce dossier qui avait été dûment approuvé par le conseil scientifique a été refusé au dernier moment de peur que cela ne compromette la réputation de cette agence française de développement. Mais moi, ce qui me frappe aussi, c'est dans le dialogue qu'on peut essayer d'avoir, nous chercheurs, avec la classe politique, c'est ce refus d'admettre que oui, les dynamiques locales de ces groupes sont beaucoup plus importantes que cette espèce de connexion fantasmée sur une internationale djihadiste qui pointerait un doigt accusateur vers le wahhabisme saoudien ou la zone Irak-Syrie. Et là, il y a vraiment il y a un refus d'écoute que je vois peut-être moins dans les pays anglo-saxons, mais ça touche aussi à d'autres problèmes plus généraux, hein, la façon dont les chercheurs peuvent discuter avec les politiques, les décideurs politiques. C'est peut-être plus fluide en Grande-Bretagne avec des think tanks comme Chatham House. Mais ici, côté français, quand vous dites ce que je dis, on vous regarde avec des yeux un peu écarquillés en disant « mais il est complètement fou, qu'est-ce qu'il raconte ? Il faudrait quitter ce terrain ». Alors, je pense qu'il y a derrière à la fois des arguments très pragmatiques, on risque de perdre la face. Donc c'est pour ça que c'est aussi un piège, si vous voulez, cette opération militaire. C'est que maintenant, soit on reste et on s'englue et on s'ensable et on va être de plus en plus responsable des exactions commises par nos alliés, soit on s'en va et à ce moment-là, on perd la face. Donc quoi qu'on fasse, on va perdre. C'est on ça a qui envoyé est terrible aussi. D'autres soldats. Oui. Là-bas. Conséquence logique de la situation d'ensablement, ou bien est-ce qu'on peut avoir d'autres lectures, Marc-Antoine Pérouse de Monclos ? C'est très difficile à apprécier. Il y a des gens qui vous disent que ce surge, comme disaient les Américains en Afghanistan ou en Irak, c'est-à-dire ce renfort de 600 hommes, est en fait conditionné à une amélioration des pratiques des gouvernements de la zone. Mais ce n'est pas annoncé aux Français, clairement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on appellerait un benchmark, un seuil à partir duquel l'Élysée pourrait déclarer que l'opération est une réussite et on peut se retirer. Ça n'a jamais été annoncé comme tel. Si vous voulez, depuis le début de Serval en 2013, puis aujourd'hui Barkhane, on ne vous dit pas quel est le seuil à atteindre pour que l'on puisse considérer que l'on va se retirer. Et donc c'est même étonnant, parce que dans la discussion que j'ai, il y a même des gens qui vous disent mais comment pouvez-vous poser la question de savoir s'il faut se retirer ? Ça veut dire à ce moment-là que nous sommes là ad vitam aeternam ? Je veux dire, il y a quand même... Donc la vraie question à poser, c'est comment et quand se retirer ? Et c'est là qu'il faut discuter. Et alors ? Moi, je pense qu'il faut établir un calendrier, il faut qu'il y ait des effets d'annonce très forts pour créer un électrochoc au Sahel, pour effectivement pousser les gouvernements de la zone à s'améliorer. Ce n'est pas forcément cet électrochoc qui va permettre d'améliorer la situation tout de suite, ça c'est bien clair, pas dans l'immédiat, ça prendra des années et des années. Mais il faut qu'il y ait cet électrochoc pour dire qu'on n'est pas là pour rester indéfiniment, pour officiellement lutter contre des groupes terroristes et en fait soutenir aussi des régimes qui sont corrompus et pour certains très autoritaires. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, si je vous dis Iran, Irak, Libye, Sahel, est-ce que finalement ça n'est pas à avoir la certitude que ce type d'interventions sont promises à faire de très beaux superfels ? Alors, c'est effectivement le discours de Villepin qui dit que toutes les guerres contre le terrorisme apportent plus de mal que de bien. Je ne suis pas loin de le penser aussi. C'est-à-dire que toutes est-ce ces qu'on interventions... a un contre-exemple ? Ben moi, je n'en ai pas. Mais je veux dire d'intervention militaire étrangère qui est présentée comme une lutte contre le terrorisme et qui aboutisse effectivement à un rétablissement de la sécurité, à un renforcement de l'État. Je n'ai pas d'exemple en tête, je suis désolé de le dire. Maintenant, on se pose plus généralement aussi la question des interventions militaires étrangères pour, disons, accompagner un changement de gouvernement, pour démocratiser un pays. Là, il y a des réflexions très nombreuses. On voit tous les effets pervers, j'utilise un euphémisme, que ce type d'intervention peuvent avoir. Mais a priori, les guerres humanitaires, donc contre le terrorisme aussi, eh bien, ces guerres-là, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas un bilan d'étape de leur réussite relative ? Ce qu'on peut savoir, d'abord, c'est que la solution, elle est d'abord politique et pas militaire. Ça, je crois qu'il y a un consensus sur ce point, que ce soit au Sahel ou ailleurs, ou en Irak, ou en Syrie, et puis, ou en Somalie encore. Et puis, deuxièmement, la solution est entre les mains, là, en l'occurrence, au Sahel, des Africains. Pas des intervenants extérieurs. C'est-à-dire que les intervenants extérieurs, que ce soit les Nations Unies ou la France, ils ne peuvent qu'accompagner. Mais s'il n'y a pas derrière une vraie prise de conscience, certains peuvent parler même de sursaut national, je ne vois pas comment la situation va progresser. Solution politique, ça veut dire tout simplement que, comme il est impossible de tuer tous les terroristes, si tant est d'ailleurs que ce avec soit... beaucoup de dégâts collatéraux. Voilà, s'il est impossible de les neutraliser, puisqu'on dit neutraliser lorsqu'on est diplomate, eh bien, dans ces conditions, il faut utiliser une alternative et faire en sorte qu'il y ait d'autres forces. La solution, elle est dans l'amélioration de la gouvernance des pays sahéliens. C'est-à-dire que tant que vous avez de la corruption qui ravage les armées, qui fait que les soldats ne sont pas toujours payés, que les équipements n'arrivent pas sur le terrain, que vous avez une totale impunité qui fait qu'effectivement, quand des soldats et sous la responsabilité de leurs officiers supérieurs, commettent des exactions, ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas punis. Regardez Sanogo, le signal que ça donne au Mali, il vient d'être libéré. Quel signal ça donne à l'armée malienne, en sachant que aussi un des autres auteurs du coup d'État de 2012 qui a ouvert la voie aux djihadistes dans le Nord est aujourd'hui ministre de la Défense. C'est quoi le signal qui est envoyé ? Impunité pour les forces armées. Tant que ça dure, il n'y a pas de solution. Et d'autre part, moi je prends exemple sur le processus de paix en Colombie, qui est certes chaotique, mais quand même une dynamique positive, où là le gouvernement a reconnu ses erreurs. L'État a effectivement accepté de mettre en place un fonds d'indemnisation des victimes à la fois des forces insurrectionnelles, mais également des forces étatiques. Je ne vois pas ce discours au Sahel où on va réviser un peu ce récit unilatéral. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, merci de nous avoir accompagnés. Une guerre perdue, la France au Sahel, votre livre chez Lattès. Vos critiques, remarques, suggestions de Superfell sur mon mail guillaume.erner@radiofrance.com, guillaume.erner@radiofrance.com. Superfell a été déglingué par Sylvia Favre à la production, gâchée par Adèle Caglar à la technique et complètement ruinée par David Jacoboviez à la réalisation. Superfell.